cours numéro 37. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salat wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-imam ibn Hibban, rahimahullahu ta'ala, dhikru al-zajri an tahajur al-muslimin kaffa. Le 36e chapitre, il a cité, rahimahullah, la gravité de faire al-hajr à ses frères musulmans. Al-hajr, c'est le fait de ne pas parler à son frère, de ne pas lui passer le salam. Ils traduisent par boycotter. Hadlbab, on en a parlé dans le chapitre Tadkurun sur le salam. J'ai oublié le numéro du chapitre. C'était vers le début. Naam, le chapitre numéro 10. Dhikru istihbab ifsha'i salam. Et vu que al-hajr c'est lié au salam, il y en a celui qui fait al-hajr, il ne passe pas le salam, il ne répond pas au salam, et même bien oh là le fait de parler. Donc on en avait parlé dans le chapitre numéro 10 sur le salam. Lakin huna, c'est plus spécifique au hajr avec les méfaits, etc. Fanaqra wa billahi tawfiq. Qala akhbarana Abu Ya'la al-Mawsili قال حدثنا وهب ابن بقي الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. هذا الحديث قال في الحاشية خرجه البخاري ومسلم et نعم عن أنس et كذلك عن جاء عن أبي هريرة et d'autres compagnons رضي الله عنهم avec des autres alfad لكن ça revient à la même معنى. فلهذا on peut lire certains passages de جامع العلوم والحكم sur هذا الحديث العظيم. Donc ce hadith il est في الأربعين النووية avec des autres alfad. Lakin, ça revient au même sens. Le hadith numéro 35 fi kitab al-arba'in al-nawawiyya. Hadith Abi Hurayra. La tahasadu wa la tanajashu wa la tabagadu wa la tadabaru wa la yabi'a ba'dukum ala bay'i ba'd. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslim akhul muslim la yadlimuh wa la yakhzuluh wa la yakhzibuh wa la yahqiruh. At-taqwa hahuna. Wa yushir ila sadrihi 3 marrat. Bi hasbi mri'in min ash-shar. أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم. فسو حديث سي اون باز دون لي بون كومبورتمون اي دون لي موفي كومبورتمون ا ايفيتي. قال الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه قوله لا تباغضوا دون لو حديث نهي المسلمين عن التباغض بينهم في غير الله بل على أهواء النفوس. Donc, قَوْلُهُ لَا تَبَارَضُوا, c'est une interdiction de se détester entre musulmans. On a le droit de se détester fillah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ce musulman, il fait quelque chose qui pousse à le détester fillah, comme un égarement, encore plus grave, le fait de contredire, d'annuler son islam, فهذا الحال on le détestera في الله. أما كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله بل على أهواء النفوس أي pour des futilités, pour des passions dans le cœur, de la jalousie, فهذا لا شك أنه سحر. قال فإن المسلمين جعلهم الله إخوة والإخوة يتحابون بينهم. ف tu n'as pas le choix أخي المسلم في هذا. بعضهم كأنهم يشوازيسن qui ils vont aimer, qu'ils vont détester, et c'est par rapport à leurs envies. Allah subhanahu wa ta'ala قال إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً. Les croyants sont des frères. Et ton frère, il a des hukouks sur toi. Et toi, tu as des hukouks sur lui. Chacun, vous avez des droits. Et parmi ces droits, tu dois l'aimer. Pourquoi? Parce que c'est ton frère musulman. فَلِهَذَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْإِخْوَةُ يَتَحَبُونَ بَيْنَهُمْ. Les frères, ils doivent s'aimer entre eux. Wala yatabaghadun. Yatabaghadun, ça vient du mot bourde, le fait de se détester. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم أخرجه مسلم. ففي الحديث العظيم النبي صلى الله عليه وسلم بين فيه أن المسلم قال plutôt لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. نعم vous rentrerez pas au paradis tant que vous ne croirez pas. Ça, ça nous montre un شرط دخول الجنة c'est l'Iman. لا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة. قال ولا تؤمن حتى تحاب. Et vous ne croirez pas tant que vous aimerez pas. ثم قال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. Donc il a montré l'importance de المحبة. المحبة c'est من لوازم الإيمان si on croit vraiment en Allah subhanahu wa ta'ala en son messager au jour dernier un إيمان قوي. Ça doit nous pousser à nous aimer. Si on n'aime pas, c'est qu'on a des faiblesses dans la foi. Même si ceux qui ne s'aiment pas entre croyants, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont plus la foi. Là, l'inquin, ils ont un problème dans leur foi. Ou illa fa, s'ils auraient un iman qawi, ils s'aimeraient fillah. Thumma qala, après avoir montré l'importance, ay, le moyen de s'aimer, comment faire ? Ou une des causes pour s'aimer encore plus. Ala adulukum ala shay'in idha fa'altumuh tahabbtum. Afshu salam baynakum. Propagez le salam entre vous. Et le fait de propager le salam, ça montre qu'il n'y a pas de hajr. Il y en a, quand on se passe le salam, en général, il n'y a pas de hajr. Même le hajr, il est à la anoua, pardon, il se passe le salam et ça s'arrête là. Tout le monde, pas de kalam, pas de fréquentation, il a arrêté. Lakin, le hajr, le kulli, le fait de ne pas se passer le salam et mimbab awla le kalam, si on se passe le salam, alhamdoulilah, il n'y a pas ce hajr. Et s'il n'y a pas ce hajr, c'est une alama min alamat al-mahabba. Ça montre qu'il y a de la mahabba entre hada al-mu'min et son frère. Qala rahimahullah wa amma al-bughd fillah fa huwa min awthaq 'ura al-iman wa laysa dakhilan fi an-nahy. Et ça c'est important. Amma le fait de détester fillah, fa hada ça fait partie de al-iman bal awthaq 'ura al-iman. Ça fait partie de la foi qui est très très forte. وليس داخلا من النهي. قال ولو ظهر الرجل من أخيه شر فأبغض عليه إلى آخره. C'est pour ça que si ce musulman fait une chose qui pousse qu'on doit le détester dans cette chose, on doit le détester. فالله عز وجل. C'est pour ça que السلف détestait أهل الأهواء والبدع. لماذا؟ لأنهم ils ont fait des choses qui poussent à les détester. قال قوله ولا تدابروا. Est-ce qu'on a un lafz dans le hadith ? Non. Le hadith de qu'il a cité Ibn Hibban. ولا تدابروا. قال أبو عبيدة التدابر المصارمة والهجران مأخوذ من أن يولي الرجل صاحبه دبره ويعرض عنه بوجهه وهو التقاطع. قوله لا تدابروا ça vient du mot دبر. أي c'est que واحد يتourne le dos et l'autre يتourne le dos. فلا تدابروا. أي هذا يتون لدو والآخر يتون لدو. أي c'est pour montrer الهجر والمقاطعة كما قال الحافظ هنا رحمه الله. Il a rapporté la parole d'Abu Ubaid. Donc النبي صلى الله عليه وسلم il nous a interdit التدابر أي الهجران بيننا. هذا يتون لدو, il ne veut plus rencontrer son frère, il ne veut plus lui passer le salam, il ne veut plus lui parler. قال وخرج مسلم من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تبغضوا ولا تقاطعوا. Donc il y a plusieurs versions qu'il a citées هنا. Et في الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. Dans cette riwaya, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a détaillé qalilan hadha al-hajr. Qala yaltaqiyan, ils se rencontrent. Fayasuddu hadha wa yasuddu hadha. Hadha yatourne le dos et hadha yatourne le dos. Hadha il change de chemin wa hadha kadhalik. Wa khayruhuma alladhi yabda bis-salam. Ça nous montre an al-hajr c'est le fait de ne pas se passer le salam. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala wa khayruhuma, le meilleur d'entre eux c'est celui qui commence et qui dit le salam, qui commence par dire le salam. قال وكل هذا في التقاطع الأمور الدنيوية، فأما لأجل الدين فتجوز الزيادة على الثلاث. تذكرون أن عفا هذا التنبيه في باب السلام للشابيتر نيمورو 10، أن عفا سيتي بعض كلام أهل العلم أن سي 3 جور كي سون سيتي في الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم وغيبت ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، أي المسلم لا با لو دو فير الهجر سون فرير بلو دو 3 جور. اولا هذا سامونتر ان الهجر انفيريور ا 3 جور سي بيرمي. بوركوا العلماء يز اكسبليك ان في كو لتر هومان سا ريست ان اتر هومان، ربما الى فيو الى انتوندو اون شوز من اخي كي لا بليسي اي لا بيزوين دان سيرتان تان بور ديجيري هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم الى اوتوريزي 3 جور، اما فوق ثلاث بلو دو 3 جور سي حرام. هذا في الأمور الدنيوية. نعم هاجر بارابور ا اون شوز دو دنيا كي لا رينا بوغ افيك لو دين، فهذا او دسو دو 3 جور سي حرام. اما بارابور او دين فهذا سي با ليميتي. بوركو؟ قال النص عليه الامام احمد واستدل عليه بقصة الثلاثة الذين خلفوا وامر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرانهم لما خاف منهم النفاق. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهجرهم، أي كعب بن مالك رضي الله عنه et les deux autres compagnons رضي الله عنهم أجمعين qui n'ont pas assisté à la bataille de Tabouk. فالنبي صلى الله عليه وسلم il a ordonné de leur faire l'hajr jusqu'à ce que le حكم d'Allah سبحانه وتعالى soit révélé sur leur situation. Et ce n'était pas limité, بل ça a duré 50 jours. Quand le verset est descendu et Allah subhanahu wa ta'ala il a accepté leur repentir, fa al-hajr il s'est arrêté. Ça montre que plus de 3 jours si c'est pour le din, pour une maslaha, fa c'est permis. Qala wa abaha hijran ahl al-bid'a al-mughallada wa ad-du'at ila al-ahwa. Et hada bi ijma' al-salaf. On a cité kalam ahl al-ilm avant. On peut reciter bi sur'a au moins les au moins بإختصار ou les références. نعم قول ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد قال أجمع العلماء على أنه لا يجوز لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث إلا أن يكون يخاف من مكالمته وصلته ما يفسد عليه دينه أو يولد به على نفسه مضرة في دينه أو دنيا. نعم سوسي المصلحة إجماع العلماء إلى رابورتي لونانيميتي دي سافون سي با بيرمي بلو دو 3 جور سوف سي سي بور لو دين أو سي لا بور دون مفسدة، أي أن مال كي لو توش دون سون دين أو دون كونسيرنون سا دنيا. ففي هذا الحال إلى لو دوا دو سيكارتي دو فير الهجر. نعم الإمام البغوي رحمه الله تعالى قال في شرح السنة والنهي عن الهجران فوق ثلاث فيما يقع بين الرجلين من التقصير في حقوق الصحبة والعشرة. نعم ça c'est par rapport à أمور دنيوية. مثلا التقصير tu lui as dit une mauvaise parole, une mauvaise plaisanterie. مثلا il a pas accepté telle chose. Ça peut arriver entre le frère et son frère. ففي هذا الحال c'est limité à 3 jours. قال دون ما كان ذلك في حق الدين فإن هجرة أهل الأهواء والبدع دائمة إلى أن يتوبوا. أما برابور الدين السني في الهجر ومبتدع الجهمية المعتزلة الروافض الصوفية الإخوان التبليغ وجميع أهل الضلال tout ça tant qu'ils ne délaissent pas البدع والأهواء et leur مذهب فاسد jusqu'à ce qu'ils fassent التوبة. فهذا c'est un rappel sur cette مسألة. Pourquoi? لأن بعض أهل البدع ils utilisent ce genre de hadith pour réfuter أهل السنة، كما قال العلامة الشيخ نجمي رحمة الله عليه dans شرح الأربعين النووية. إلى شرح جميل résumé des hadith que l'imam النووي l'a rassemblé. Et dans ce hadith numéro 35 قال رحمه الله وهذا لا ينفي أن ننكر المنكر. Et ce hadith, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas enlever le munkar selon nos capacités. قال ونأمر بالمعروف ونستنكر البدع والمحدثات التي تدخل في الإسلام ما ليس منه. ولعل بعض من ينتسب إلى الحزبيات يحتج بهذا الحديث وأمثاله قاصدا به منع السلفيين أن يقولوا الحق في أصحاب البدع. ويبين ما هم عليه من البدع. صحيح أن بعض أهل الأهواء والحزبيين والمبتدعة ils utilisent ce genre de hadith pour dire pour réfuter السلفيين أهل السنة الأخيار. Ils disent, pourquoi vous semez la division? Pourquoi vous réfutez? Pourquoi vous critiquez? Pourquoi vous faites de la médisance? Et ils utilisent ce genre de hadith. Et ça, ça fait partie de leur ignorance ou de leur mauvaise intention. Ils ont cité Al-Ijma'a. Et comme il a hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en garde contre Al-Bida' wa Al-Ahwa. Comme il a hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné d'appeler au ma'rouf et de mettre en garde contre le munkar. Et la voix des salafs, radiyallahu anhum, qui ont conquis hadith al-hadith. Fahdhar min shubuhat ahl al-bida'. Ils utilisent des hadiths pour t'écarter de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. قال on finit كلام ابن رجب رحمه الله قال وما كان في معنى ذلك تأديبا يجوز الزيادة فيه على الثلاث لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرا. كذلك on avait dit c'est une maslaha عظيمة من باب التأديب. من باب التأديب مثلا النبي صلى الله عليه وسلم il a fait الهجر à ses épouses un mois. C'était plus de 3 jours. لكن il y avait une faïda azima, une maslaha. فمن باب التأديب مثلا le père il fait le hajr à son enfant, il a fait une chose grave, il ne veut pas écouter, il sait qu'il y a une maslaha, ça touche son enfant, ça lui permet de revenir وهكذا pour son épouse. فهذا c'est mashrou' même si ça dépasse 3 jours لكن sans injustice et كذلك pour qu'il y ait un profit. Mais si ça fait que ajouter du char, le musulman, il faut qu'il soit hakim, il faut qu'il ait de la hikmah. On a lu donc min jami' al-ulum al-hikam de al-hafid ibn Rajab, et كذلك une partie très résumée de charh Sheikh Najmi rahimahullah ala hadha al-hadith. قال ابو حاتم رحمه الله لا يحل التباغض ولا التنافس ولا التحاسد ولا التدابر بين المسلمين. التباغض on a expliqué. التنافس c'est par rapport à dunya. ولا التنافس par rapport à dunya. بعض الناس ils font beaucoup de mal à leurs frères par rapport à dunya. Il est prêt à mentir, il est prêt à ruser, à manigancer, tout ça pour que son frère il n'est pas et où il est plus. فهذا لا يجوز. ولا تحاسدوا تقدم معنا un باب sur التحاسد et la gravité de la jalousie. ولا تدابروا فهذا تقدم معنا كذلك. قال والواجب عليهم ان يكونوا اخوانا كما امرهم الله ورسوله فاذا تألم واحد منهم تألم الاخر بتألمه. فهكذا المؤمن doit être avec son frère. Des frères qui s'aiment Allah Azza wa Jal. Ka'annahum, c'est les membres d'un même corps. Wa hadha ja'a fi ba'd al-ahadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qala al-mu'min lil-mu'min kal-jasad. Kal-jasad, ay le croyant et son frère croyant, c'est comme les membres d'un même corps. Idha ishtaka minhu 'udwun, si un membre il se plaint, il souffre à cause d'une douleur, tada'a lahu sa'ir al-jasad bis-sahar wal-humma. Si un membre il est touché, tout le corps il souffre. Et ça c'est un mythal azim du prophète alayhi salatu wassalam. Sahih, ahyanan tu as une douleur dans le pied, tu as une douleur dans le pied et tout ton corps il est touché. Matalan, tu as de la fièvre, tu as du mal à dormir, enfin tout le corps il souffre. فهكذا المؤمن مع أخيه المؤمن. On doit être comme un corps. C'est ça la base. Et on n'a pas le droit de sortir من هذا الأصل إلا ببينة وبرهان. Pas le droit de se laisser aller via la moindre chose ou الهجر. Et on se déteste comme si on n'était pas des frères. نعوذ بالله من الأهواء. قال ينفي الغش والدغل مع استسلام الأنفس لله جل وعلا مع الرضا بما يوجب القضاء في الأحكام كلها ولا يجب الهجران بين المسلمين عند وجود زلة من أحدهما بل يجب عليهما صرفها إلى الإحسان والعطف عليه بالإشفاق والترك الهجران. ثم نبه أنه لا يجوز de se faire الهجر pour la moindre chose. زلة مثلا أخوك il a fait une chose, zalla, une maladresse, une mauvaise parole, un péché, khasatan si il est connu, oui, at-taqwa wa salah, il est connu pour faire des efforts, lakin ça reste un être humain. Et on a tous des manquements. Si c'est ton frère qui a fait une zella aujourd'hui, ça sera demain. Ça sera toi. Et après, ça sera moi. Enfin, si à chaque fois qu'un frère il a un manquement, on lui fait al-hajr, ça fait partie en rien de la sunna du prophète. Ça fait partie de l'hawa. Al-insan, il fait croire qu'il fait al-hajr pour le din alors que c'est pour lui-même. Si tu fais al-hajr pour le din, al-hajr, il a des dawabit. Et tu trouveras aucun savant de la sunna dire qu'il faut faire le hajj parce que ton frère il s'est trompé. Même s'il a fait un péché. Même s'il t'a contredit dans tel point et toi tu penses que c'est une bid'a. Et lui il a un autre avis. Fafi, il y a des étapes avant le hajj. Khas, satan, s'il a choisi un avis et il a des ulama. Ça arrive. Tel savant il dit telle chose c'est une bid'a. Et un autre savant il dit c'est pas une bid'a. Maintenant, tu as choisi le qawl que c'est une bid'a. Donc ton frère, il a choisi, c'est pas une bid'a, il le fait. Est-ce que ça veut dire que khalas, c'est un mubtadi', il faut lui faire le hajr? Ça, c'est un fait. C'est une compréhension très, très dangereuse de l'islam. C'est min al-ghulou, c'est de l'exagération. Ta'ammal al-hafiz ibn Hibban, rahmatullah alayh, les solutions qu'il a citées. Qal bal yajib alayhim as-sarfuha ila al-ihsan. Certaines choses, ahyanan, tu peux trouver un udr à ton frère. Toi, tu penses que c'est kada, et cette parole, tu peux lui trouver une place, un bon soupçon. Alhamdulillah. Pourquoi directement penser que c'est une mauvaise chose et regarder le mauvais côté? Là, قال والعطف عليه بالإشفاق. كذلك l'été. Si c'est une faiblesse, maintenant il a fait un péché, il est prouvé par certaines choses, et le fait de le rejeter, ça peut empirer sa situation. Fais le mu'min, il mu'min. Quel bonheur. Enfin, pourquoi tu ne serais pas une cause pour l'aider? Khasatan, rappelez-vous les dawabit qu'on a cités, min kalam al-hafid ibn Rajab, et min kalam al-sheikh Najmi, rahimahullah, ou min kalam l'imam al-Baghawi, et kadalik l'imam ibn Abdelbar, annahu, s'il n'y a pas de mafsada, maintenant il a fait un péché, et toi, alhamdulillah, ça ne te fait rien, ça ne te touche pas, et ce péché, il est restreint à lui. Enfin, fiyad al-halanta, tu peux être une cause pour l'aider. Enfin, pourquoi ne pas l'aider? Pourquoi penser directement au hajj? On fait attention à notre nefs. Qala wa tark al-hijra. Mais surtout, dans ce cas, ne pas se précipiter à faire le hajj. Dans certains cas, ne pas faire le hajj du tout. Le hajj, on le répète, c'est dans certaines situations limitées, précises. Les ulama yaqulun anna bab al-hajj il est mudayyiq, il n'est pas moussa. On ne va pas le hajj à tout va. Là, le hajj, il est très limité, très précis. Pourquoi? Parce que un musulman, il a un haq azim. Et sortir de ce haq, de ce droit du musulman, tu ne peux pas, sauf dans certains cas. Maintenant, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le hajr à Ka'b et aux deux autres compagnons, radiyallahu anhum, dans ce cas précis. Pourquoi? Les hommes, ils n'ont pas assisté à la bataille. Et vu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne sait pas ce qu'il y a dans les cœurs, pourquoi ils n'ont pas assisté? Il y avait plusieurs ihtimals. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a attendu la révélation et il a ordonné tout le monde de faire l'hajr. Pourquoi? Pour fermer cette porte. Il a ne pas assisté au djihad à l'époque. C'était très très grave. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fermé cette porte. Alhamdulillah, hasala khayr kathir. Wa illa fa la base, wa lillahi alhamd, c'est al-mahabba wa ta'awun, etc. Kadhalik, on peut ajouter un point essentiel. Huna, al-nasiha. Bien sûr, le bon soupçon, bien sûr, l'aider, bien sûr, ne pas lui faire le hajj. Lakin bab al-nasiha, le chapitre juste avant celui-là. Nasiha, on lui montre. Et كذلك بالتي هي أحسن. Le but entre nous, c'est comme toi, tu n'aimes pas l'égarement, tu n'aimes pas subir al-hajj, tu n'aimes pas être accusé, va hakada ton frère. Et on le répète, celui qui pense que les frères, ils ne font pas d'erreurs. Hada, il se fera beaucoup de mal. Tes frères, ils font des erreurs. Ben, toi-même, tu fais des erreurs. On fait tous des erreurs. Lakin, on doit savoir comment se comporter face aux erreurs. On évite de tamir ahl al-bid'a. On est tous des frères. Wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fihi. Et aucune nasiha. Et comme s'il n'y avait rien. Et tu as ton avis, j'ai mon avis. On se respecte la tolérance. On évite hada dhaya'. Là, si c'est fait din, même si c'est même si c'est pas quelque chose de d'extrêmement grave, enfin, le bid'a ça reste grave, les péchés ça reste grave. Et on montre. Et si ça nous touche, c'est que c'est bon signe, c'est une bonne alarme. C'est-à-dire qu'on fait attention à l'autre extrême, le roulou. Le roulou ou le tajawuz, ou le java. Quand il a fait cette bid'a ou ce péché, il ne peut plus faire tawbah, c'est un ennemi de l'islam. Là, si c'est un frère, on le répète, il est connu pour le khayr, il est connu pour aimer la vérité. Farouk, il ne savait pas que c'était une bid'a. Obama, il a suivi un avis et en lui montrant un autre avis avec des preuves, il va délaisser cet avis. Wahakada. Qala rahimahullah. Wa anshadani al-Abrash dans la page suivante. Oblu rijal idha aradta ikha'ahum wa tawassamna umurahum wa tafaqqadi. Fa idha dhafarta bidhil lababati wa tuqa. فيه اليدين قرير عين فاشددي فمتى يزل ولا محالة زلة فعلى أخيك بفضل رأيك فرددي. هذا كلام جميل. فمتى يزل ولا محالة زلة, أي si ton frère glisse, il se trompe et il faiblit, ثم قال ولا محالة, أي هذا il n'y a pas le choix, tout le monde a des faiblesses, on est des êtres humains. Qu'est-ce que tu dois faire? Fa'ala akhik bi fadli ra'yik fardudi. An-nasiha. Montre-lui. Peut-être que tu as compris la chose et huwa, il a mal compris. Ça arrive, ahyanan, on veut le bien et on pense vraiment que la chose c'est comme ça. Donc on fait cette chose et peut-être que c'est pas légiféré, peut-être qu'on s'est trompé. Et si un frère il te montre avec la parole d'un autre savant et il te montre bilati ihsan, alhamdoulillah, tout s'éclaircit et on n'en parle plus. Pas besoin de hajj, pas besoin de s'énerver, pas besoin de rien du tout. Alhamdulillah. Anta, tu es récompensé parce que tu as conseillé ton frère il est récompensé parce qu'il a accepté. Et alhamdulillah. Et on écarte le shaitan. Qala rahimahullah, la yajibu lil mar an yadkhula fi jumlat al awam wal hamaj bi ihdath al wud li ikhwanihi wa takdiruhu lahum bil khuruj ila al sabab الذي يؤدي إلى الهجران الذي نهى المصطفى صلى الله عليه وسلم عنه بينهم. أي كأنه هنا يبين أن on fait attention de ne pas se précipiter à accepter comme ils font certains من العوام الهمج الجهال. Le premier venu l'accepte et ils lui font confiance et il l'aime, il a khir, khas en période de trouble. Et quand on fait attention à l'autre extrême, ne pas se précipiter à repousser, à rejeter directement la moindre faute. Qala, rahimahullah, wa yataharra tark al-munaqasha ala al-hafawat, wa la siyama idha qila fi ahadihim al-shay al-ladhi yihtamil an yakun haqqan wa batilan ma'an. Si c'est un sujet précis, avec énormément de divergences, rubbama al-haq ma'ak ou ma'ah, fa fi hadha al-hal on fait attention à al-jidal al-fariq. On a le droit de parler bien sûr de ces sujets avec ilm et l'intention de chacun c'est suivre la vérité. Et ba'd al-khilafat al-ulama ikhtalafu, et ils ne se sont pas accusés d'être innovateurs ila akhir, fa yas'una ma wasi'ahum, en recherchant la vérité. لكن بعض الأمور العلماء اختلفوا الخلاف للسائر كما يقول ce savant il dit c'est permis, un autre savant il dit c'est pas permis. Falhamdulillah. Mais si tu veux imposer ton avis et celui qui te contredit il est forcément égaré, فهذا سبب خطير. أما في المعتقد والمنهج السلفي الأصيل, falhamdulillah, les savants ils sont d'accord. لكن certaines مسائل voilà, chacun a fait un chez mina al-khafa pour certains, et ça demande un ijtihad kabir, et l'ulama ikhtalafu. Fa hatta ahyanan certaines masail, et je pense que c'est déjà arrivé à certains, quand tu détailles et tu fais des recherches, rubbama tamil ila qawl matalan ibn al-qayyim rahimahullah hujjatuhu qawiyya, et il détaille tel point, tel wajh, et il réfute l'autre qawl. Tu es satisfait, tu dis ce qawl, c'est cela la sunna, et tu choisis ce qawl. tu lis مثلا, le même avis avec l'explication de Al-Hafidh ibn Rajab ou d'Ibn Kathir ou d'un autre, ou de Cheikh Al-Uthaymin à notre époque, ou de l'imam Al-Albani, autre moins, et tu repenches vers l'autre qawl. Tu dis là, en fait, l'avis d'Ibn Al-Qayyim, l'autre avis il est plus fort. Alors que c'est la même mas'ala. Et c'est une personne, elle peut changer. Fais enfin, maluk avec ton frère. Enfin, ce genre de sujet, enfin, alhamdulillah, l'insan ne dépasse pas les limites. قال أبو حاتم رحمه الله السبب المؤدي إلى الهجران بين المسلمين ثلاثة أشياء trois causes qui poussent au هجر entre المسلمين قال إما وجود الزل من أخيه ولا محالة يزل فلا يغضي عنها ولا يطلب لها ضدها ça c'est une des causes avec un des deux il se trompe il a une maladresse il dit une mauvaise parole Et ça pousse l'autre à ne pas patienter à faire le hajj. Regarde l'hal, on fait attention. Awalan, on fait attention à ce qu'on dit. On fait tout pour éviter ce genre de zellat qui peuvent provoquer le hajj. Et kadhalik, pour celui qui n'a pas fait la zella et que c'est lui qui fait le hajj, ar-rahma avec ton frère. Ne te précipite pas. Il s'est trompé et après, on se trompe tous. Il y a des étapes comme taqaddam ma'ana. النصيحة etc. قال وإبلاغ وش يقدح فيه. Ça c'est la deuxième. Vous vous rappelez de هذا الباب الوشاء قبول قول الوشاء أي أصحاب النميمة ceux qui essayent de causer des troubles dans la communauté. Je trouve واحد il répète à un frère des choses et il rajoute, il amplifie, il déforme. ثم ce frère il fait le hajar à son frère. À cause de هذا النمام à cause de هذا المفسد في الأرض هذا كذلك on avait vu un chapitre spécifique sur ce point قال وورود la troisième وورود ملل به يدخل على أحدهما فإن الملالة تورث القطع ولا يكون لملول صديق الملالة c'est Certains tellement qu'ils se fréquentent. Laylan wa nahara. Pendant une longue période, ils ne se séparent jamais. Awalan. Hada, bien sûr. Celui qui fréquente toujours la même personne et tout le temps. Toujours ensemble. Fala shakanahu, il verra des choses. Des manquements, des paroles. Pourquoi? Parce qu'il fréquente un humain qui n'est pas parfait. C'est tout à fait normal. Et kadalik, ton frère, il voit en toi certaines choses. Et kadalik, ça pousse al-malal. Al-malala, c'est en avoir assez, être fatigué. Enfin, ça arrive. Ça arrive. Enfin, on doit tous patienter. Fa'inna al-malala ta tourithu al-qata'. Na'am, fa'fi hada al-hal. Al-insan s'il peut prendre du recul sans faire al-hajj. Wa illa fa, si ton frère, il aime être avec toi et il est avec toi, regarde les bons côtés. C'est qu'il t'aime fillah. Il t'aimerait pas, il resterait pas avec toi. Kadalik, oublie pas tous les bons côtés. Le fait qu'il soit avec toi, il t'aide dans telle chose. Beaucoup d'entraide, combien de bonnes paroles, combien... N'oublie pas. On a un manque d'objectivité. Et Akhon, il fait du bien. Matalan, une échelle de 1 à 100, il fait 95 fois du bien. Thomas, vu que c'est un être humain, il a déjà dit une parole, il a déjà fait une chose, il a déjà manqué un rendez-vous, il n'a pas répondu au téléphone, mouhim, quelque chose. Il oublie les 95% et il se consacre sur les 5. Ah là, ça vient de Shaitan. Si on prend en considération ces choses, voilà, chacun là, ça va aider à améliorer les relations. قال ولا يكون لملول صديق. Celui qui ne patiente pas. À chaque fois qu'il fréquente quelqu'un, خلاص, il en a assez, malala. Il veut changer, bardoumi. Il change d'amis comme il change de vêtements. À chaque fois, ils veulent de la nouveauté. Là, Hada, en fait, il est comme ça. Là, en fait, Hada, il est trop comme ça. Hada, il se retrouvera seul. Il se retrouvera seul. Là, tes frères, ça reste tes frères. Mouminoun, ils ont des hukouk, allez. Fasbir. Patiente avec eux, tu es fi khayr. Qala Abu Hatim, rahimahullah, la yahillu li muslim an yahjur akhah al-muslim fawqa thalathati ayyam. فمن فعل ذلك كان مرتكبا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم هذا تقدم معنا le fait de ne pas faire l'hajr au-dessus de 3 jours. قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام والسابق بالسلام يكون السابق سابق إلى الجنة. نعم لأن parmi les causes pour rentrer في الجنة c'est le fait de s'aimer. Et pour s'aimer une des causes c'est de passer le salam. Donc celui qui passe le salam en premier في الحقيقة السابق بالسلام يكون السابق إلى الجنة. Celui qui se presse à passer le salam à son frère malgré que son frère lui fait le hajj, c'est comme s'il se pressait à rentrer le Jannah en premier. هذا كلام جميل. قال ومن هجر أخاه سنة كان كسفك دمه. Celui qui fait le hajr à son frère un an, c'est comme s'il avait fait couler son sang. هذا c'est un hadith du prophète عليه الصلاة والسلام. أخرجه الإمام أبو داود من حديث أبي خراش السلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. Al-hadith sahahahu al-imam al-albani rahimahullah fi sahiha. C'est un hadith authentique. Celui qui fait le hajr à son frère pendant un an, c'est comme s'il avait fait couler son sang. Pourquoi? Li'anna al-hajr fihi adrar. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a comparé cela à celui qui fait le hajr à son frère un an. C'est comme s'il avait fait couler son sang. Et là, chacun a fait couler le sang d'un musulman, c'est très très grave. Cette comparaison, c'est pour montrer la gravité. Un an, c'est énorme. Même s'il a fait une erreur, alhamdoulilah, les 3 jours ils suffisent. Avec nasiha, avec la patience. Et on répète avec les dhawabit qu'on a cités. Tant que ça ne te fait pas du mal à ton dîn, tant qu'il n'y a pas une mafsada énorme de le fréquenter. La plupart des situations, la plupart des frères qui se font al-hadr, on parle entre al-sunnah, l'yanna hadr al-bida' si mashrou'a. Tu trouves, mais c'est pour le commerce, il m'a pour des affaires, il m'a c'est pour une parole. Il m'a mal à la nahu, il en a assez, ça fait longtemps, il le connaît. Le shaitan, il est rentré, mais il a le peuple. قال رحمه الله وغاية ما أبيح من الهجر بين المسلمين ثلاثة أيام. Et ça, c'est une ni'ma min ni'm Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'alim, c'est l'hakim. Vu que l'être humain, il a des faiblesses. Et le fait d'interdire le hajr complètement, ça aurait été difficile. Elle est comme ça. Il se passe quelque chose, tu as besoin, tu ne veux plus parler, répondre au téléphone. Laisse du temps à ton frère musulman. Allah subhanahu wa ta'ala lui a autorisé ces 3 jours. Fais laisse-lui ces 3 jours. Tu sens qu'il s'est passé telle chose. Ça chauffe entre le frère et son frère. Une kalima, laisse. Le fait de vouloir parler tout de suite, arranger les choses tout de suite, ça peut encore aggraver les choses. Khalas. Tu as vu qu'il s'est vexé. Il a pris du recul. Alhamdulillah, s'il est à la ilm et à la sunna, il connaît ce genre de ahkam, il connaît les 3 jours. Un jour, 2 jours, alhamdulillah. Khalas, tu vas l'appeler, il va répondre, il va t'appeler, on n'en parle plus. Lakin, ba'd al-ikhwa, hinan, il se précipite, la yasmiroun. Il ne me parle plus, il a tourné le dos. Et hadal-hal, laisse un peu de temps. Et hadal-hukm kadalik, yun hikma adhiman, le temps, ça arrange beaucoup les choses. Hinan, tu es énervé, tu viens d'entendre la parole, tu viens de voir une chose, et tu ne patientes pas. Alhamdulillah, c'est autorisé ces 3 jours. Le jour d'après, ou 2 jours, falhamdulillah, le frère, le sang, il a refroidi, le temps, il est passé, et ça s'arrange. Hada, wallahu ta'ala, a'lam. On a fini, wallillahi alhamd, le 36e chapitre, et à partir de mardi, incha'allahu ta'ala, on commence le 37e. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala, التوفيق للجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب